Voilà ce qui complète le premier volet de ma conversation avec l'artiste Sylvie Chonard. Je vous reviens après un très bref battement promo. À tout de suite. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille qui vous propose ce soir en reprise un entretien réalisé en 2021 avec l'artiste sonore et musicienne Sylvie Chonard. Sylvie qui vit et travaille aujourd'hui à Portneuf-sur-Mer en Haute-Côte-Nord. Sylvie Chonard a produit de nombreux albums aux titres évocateurs. Bon, j'en nomme quelques-uns. Océan à vendre, Alloctone. Et elle a aussi produit une constellation d'œuvres expérimentales sous l'intitulé Les projets de la baleine en collaboration avec de nombreux artistes de la scène musicale et sonore. On retrouve ça d'ailleurs assez facilement sur son site là, quand vous allez faire une recherche avec la rubrique Sylvie Chonard. Alors, Sylvie lançait au moment de l'entretien un album d'expérimentation sonore et musicale qui faisait écho à ces lieux que nous habitons et qui nous habitent très intensément. Lieu de la mouvance, lieu de la transe, lieu du monde, lieu de la danse, lieu du corps. Des titres évocateurs. Son album intitulé « Lieu du temps » aborde des thèmes qui lui sont chers. Je les rappelle, tant des naissances, tant des racines, tant des formes, tant des vagues. Des œuvres sonores réalisées à la guitare électrique, accompagnées de voix, d'instrumentation électronique et numérique. J'en ai profité pour l'interpeller sur ce qui l'inspire, bien sûr. Discuter de ses dernières collaborations avec l'artiste Annie Saint-Jean, notamment, et discuter avec elle de l'état du monde en ces temps, pour le moins chaotique, on va dire ça comme ça. Alors, parole à Sylvie Chonard. Le cœur reste nomade. Sylvie, tu pratiques la guitare depuis longtemps, la guitare électrique. Ma question est toute simple. Pourquoi la guitare?